un peu Narcisse et un peu Adonis. Il ne mange pas, il se nourrit. Très séduisant et très puissant. Son âme est le miroir. Il soulève un loup, il court toujours au bord de la mer pendant des heures. Quel que soit le temps en toute saison, jusqu'à l'heure du coucher. Oui, toujours, toujours manger un dindon. Puis-je compter sur lui certainement la nuit? Oui, toujours, toujours mon beau gars d'amour. Oui, je compte sur lui ma nuit. Toujours, toujours manger.